Ils écrivent et en plus ils causent. Présenté par K00. Bonjour. Aujourd'hui, l'émission « Ils écrivent et en plus ils causent » vous présente Maryse Froncou. Bonjour Maryse, vous allez nous présenter votre nouveau roman « L'enfant de l'Erebus ». Pouvez-vous nous en parler ? Gianni, l'enfant de l'Erebus, est un roman de fiction. Il raconte l'histoire d'un jeune adulte italien qui, peu après la Première Guerre mondiale, va quitter sa terre natale devenue fasciste, dans l'espoir de trouver une vie meilleure, loin de la misère humaine. L'espoir et le mot « liberté » vont guider ses pas vers la Belgique, dans la région du Borinage où le mot « liberté » va se dissoudre totalement dans les fumées des cheminées du puits de l'Erebus. Alessandro, le jeune émigré, deviendra reculeur dans ce monde souterrain, dans cette mine de charbon où il ne discernera plus le jour de la nuit, où il respirera sans cesse l'odeur âpre des chairs en souffrance, où son souffle sera entrecoupé de toux asphyxiantes. Mais la souffrance ne s'arrête malheureusement pas dans les entrailles de la terre. Elle s'étend et s'étire jusqu'au coron, où la faim devient assassine, entraînant des comportements humains désespérés et vils, au travers desquels Alessandro y rencontrera, malgré tout, l'amour. Seriez-vous d'accord de nous lire un extrait ? Lorsqu'ils arrivèrent sur le carreau de la mine, un mineur ne pouvant plus descendre au fond donna à Alessandro une paire de bottes, un chapeau de cuir ainsi qu'une lampe à huile et une pelle. Ils allèrent ensuite à la salle des pendus où ils se changèrent. Ils accrochèrent alors leurs vêtements sur des crochets qu'ils remontèrent en tirant sur des chaînes et partirent vers les ascenseurs. Alessandro allait descendre dans les entrailles de la terre, à plus de 400 mètres de profondeur, dans un bouveau nouvellement creusé et encore inexploité. L'ascenseur, actionné par des poulies et des câbles, s'ébranla dans un bruit de ferraille lorsqu'il amorça sa descente. Alessandro regarda la surface du sol disparaître au-dessus de sa tête, avant de plonger quelques instants plus tard dans le noir faiblement éclairé par une lampe suspendue. Quand l'ascenseur s'arrêta au niveau de la première galerie, Marcelin le retint par le bras. Il n'était pas encore arrivé sur leur lieu de travail, qui se trouvait quelque 200 mètres plus bas. Il n'était plus que peu d'ouvriers dans l'élévateur. Lorsque celui-ci trembla de nouveau, Alessandro commençait à suffoquer. L'air lui manquait, l'angoisse lui ravissait son oxygène. Il regarda Marcelin qui lui fit signe de se calmer et ils arrivèrent enfin au dernier étage du puits qui allait monter le fond en air pur. Ils se dirigèrent alors vers les deux extrémités de la galerie, scindant le petit groupe de personnes en deux, et sur les genoux s'engagèrent dans les vannes de charbon. Marcelin, sans faire attention à son apprenti, entama son travail en frappant durement sur les parois tapissées de combustible naturel avec une simple pioche. Alessandro, submergé par la chaleur de la profondeur et les odeurs âcres de sueur, ouvrit sa musette et en retira une gourde remplie d'eau qu'il porta goulûment à ses lèvres. Le jeune immigré ne devait jamais oublier cette première journée de travail. Il y perdit la notion du temps et la sensation de faim effacée par le goût crayeux de la poussière. Il y découvrit l'angoisse d'être enterré vivant, la suffocation, les odeurs acides des torses dénudés, éreintés par un labeur implacable et par une chaleur insoutenable. Alessandro s'efforça malgré tout d'effectuer les gestes du reculeur en évacuant de sa pelle le charbon abattu par Marcelin, afin que le chargeur puisse le mettre dans les wagonnets. Il était à bout de souffle lorsqu'il perçut, au-delà des bruits des outils miniers, un hennissement provenant du bouveau. Le jeune homme, consterné, s'immobilisa. Merci Maryse pour votre charmante lecture. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre parcours d'auteur ? J'ai commencé à écrire des nouvelles qui, après avoir été proposées à une maison d'édition, ont été sélectionnées pour faire partie de recueils en collectif d'auteurs. Cette petite réussite m'a donné l'envie d'écrire mon premier roman, Les Faux Soleils, et ma vie d'auteur s'est alors intensifiée pour en arriver à la réalisation de ce quatrième roman, L'enfant de l'Éribus. Comment peut-on se procurer votre livre et qui en seront les bénéficiaires ? Les bénéfices de la vente du livre Gianni l'enfant de l'Éribus sont destinés à l'AMAP. L'AMAP est une association de démineurs bénévoles qui font du déminage et qui possèdent des dispensaires pour soigner les gens qui ont sauté sur des mines. Ils possèdent un département santé, un département d'ingénierie qui organise le forage de puits d'eau, l'assainissement, la construction de locaux et de bâtiments. Ils organisent également la formation d'ingénieurs sur place, la construction de routes et l'accès à l'électricité. Ils forment aussi des démineurs dans les différents pays où c'est nécessaire, du personnel médical et paramédical, et mettent en place des programmes de lutte contre la malnutrition et l'analphabétisation. La MAP intervient dans énormément de pays, qu'ils soient infestés de mines ou non. Le point de vente du livre Gianni l'enfant de l'Éribus est le site Humania http://cercle.humania.free.fr. Merci Maryse Francou d'avoir participé à notre émission. Je rappelle le titre de votre roman L'enfant de l'Éribus, disponible à la vente sur le site http://cercle.humania.free.fr. Au revoir à tous et à demain. Musique, slow relaxation, Alban le Psy, licence art libre.